vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70%. C'est ça. Et vous allez tout savoir que... En tout cas. On est à 70%. Non. Des fois, on a des invités, puis d'autres fois, on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy, il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Oh, ça en fait des pitons à peser, ça, il y a de la viande à soi. Donkey Kong Country 3. Et le fameux. Oui, du rare, ça, du vrai. Il avait inventé la petite chip là, qui méritait d'envoyer un VHS à tout le monde abonné au Nintendo Power. C'est ça. C'était magique. Benoît Mercier. Salut. Il va nous faire un Julien à soi. Ben, ça y est. Sarah. Salut. Toi, tu vas être la narratrice. Oui. Étienne Forêt. Bonjour. Tu nous as amené une chronique qui parle de... De vedettes qui n'auraient pas dû en disquer. Ah, ça, il y en a plus qu'une, laisse-moi te le dire. C'est oui, nouveau comme chicken poulet de poulterie de Polka la semaine passée. Là. Bruno, ben. Ouais, je vais préparer mes nouvelles pendant que les autres font leurs affaires. Ouais, voilà. Et puis Israël, lui, qui va nous parler du Wooters. Ouais, ma succulente aventure de la semaine passée. Pis ça, pour quelqu'un qui écoute ça en direct, là, je veux dire, t'es parti, tu viens de revenir, t'es allé au Wooters, tu nous parles des vraies affaires. Ouais. Sinon, ben, moi, j'ai acheté un billet pour le show des Eagles of Death Metal, I Want You So High. Donc, on va commencer avec ça. On va revenir à 70% pour parler entre autres du film des Hell Riders avec Batman puis Ginger. C'est bon ça? C'est excellent. Okay. .70% est fier de vous présenter en primeur « Mon ami est malade », une aventure écrite par Geneviève. C'est ça. À Avant de retourner à sa vérification, Bibi prend soin d'aller chercher un verre de bonne limonade pour son ami. Il a la surprise de constater en revenant que son ami ne touche qu'au pot de peinture bleue. De plus, il a mis une feuille bleue devant la petite lampe, on dirait qu'il est dans une bulle bleue. Il remarque alors que Oui Oui porte un kimono tout bleu. Le bleu est une mauvaise couleur pour les Milzédiens, la couleur de ceux qui sont... Oui Oui, est-ce que tu te sens malade? Malade? Je ne comprends pas la situation de ce mot. Vénéré, Bibi, je me sens... Comment pourrais-je dire Ne trouvant pas le bon mot, Oui Oui s'écroule en pleurant. Bibi est inquiet, mais il garde de son calme. Tu dois être fatigué. Viens, je vais t'exposer au régénérateur corporel et tu vas te sentir beaucoup mieux. Le régénérateur corporel, c'est un appareil milzédien qui permet de soigner tous les petits bobos, de redonner de l'énergie quand on est fatigué ou simplement de se nettoyer quand on est sale. Hélas, le régénérateur n'aide pas Oui Oui. Il n'a donc pas une maladie milzédienne. Bibi ne laisse pas se décourager. Il connaît les façons terriennes très agréables de se reposer et de changer les idées. Il a vu son ami à prendre un bon bain. Qu'est-ce que ben? Répond Oui Oui. Il me semble avoir fait une étude là-dessus. Bain, train, graine, refrain, demain. Bibi constate avec horreur que son ami... Et de plus en plus confus. On dirait que sa mémoire n'a pelé est en panne. Même que Oui Oui lui demande. Qui es-tu? Es-tu TIDIK7799X ou pas MIMIL3388 et K ou pas LILIB22HHG? Bibi court à la recherche de Geneviève ou Julien ou Thérèse. Il doit lui demander conseil à un adulte terrien. Geneviève est au studio de dessin animé et Thérèse chez une amie. Malheureusement, Julien lui est là. BIBIZ9944X est ici! Julien, c'est terrible! Mon ami Oui Oui est malade, il ne me reconnaît même plus! Julien essaie de calmer Bibi. La première chose à faire est de trouver ce qui fait souffrir Oui Oui. Ton ami a peut-être appâté une petite grippe. Il y a sans doute de la fièvre. Ça, c'est fréquent chez les enfants terriens. Et ça se soigne. C'est facile. Julien suggère à Bibi de prendre le pouls et la température de Oui Oui. Il lui conseille de le garder au chaud, de lui offrir à boire. Ses conseils apaisent Bibi et lui redonne du courage. Bibi entoure son ami de mille petits soins. Il constate que son pouls est normal pour un milzédien et sa température aussi. Comme Oui Oui ne semble pas intéressé par la bonne limonade, Bibi lui propose de manger un peu, mais Oui Oui n'a pas faim. Bibi oublie complètement sa vérification périodique, il ne quitte pas Oui Oui des yeux, essaie de le faire rire, lui parle sans arrêt, la musique de sa voix finit par endormir son ami. C'est alors que 56 000 questions surgissent dans la tête de Bibi. Comment vient-il soigner son ami? De quelle maladie terrienne souffre-t-il exactement? Pourquoi est-il si triste et si bizarre? Si au moins il avait plus de connaissances? Un hurlement en langue milzédienne le rappelle à la réalité. Réveille-moi! C'est Oui Oui qui se réveille. Ne t'en fais pas, Oui Oui, tu es avec moi. BIBIZ9944X, ton ami. À la grande surprise de Bibi, Oui Oui le reconnaît. Mon rêve, c'était affreux. Nous étions tous les deux sur une planète étrange et terrifiante, habitée par des créatures énormes que nous ne comprenions pas. Nos vaisseaux étaient brisés. Nous ne pourrions plus jamais revoir notre merveilleuse planète ZX-1000Z. Oui Oui se met à pleurer et à pleurer. Bibi a le cœur serré, mais le récit du cauchemar de son ami lui donne une idée. Oui, oui, est-ce que c'est possible que tu aies le mal de planète? Le mal de planète? Ça veut dire que tu t'ennuies énormément de notre planète XY1000Z et que ça fait très mal en dedans de toi. Ça donne mal à ton éma. En tout cas, oui, réfléchis longuement, puis il avoue. C'est vrai que j'ai ta balle! Je ressens une grande honte! Je veux réussir mon stage de planète aussi bien que toi, Fédéric Bibi! C'est normal d'être triste quand on pense à notre planète qui est à 152 années-lumière d'ici. C'est normal de s'ennuyer de nos amis milzédiens qu'on n'a pas vus depuis des tonnes et des tonnes de ciruets. Ça m'arrive à moi aussi des fois. Ça t'arrive à toi aussi? Bibi évoque pour Oui Oui les fois où lui aussi a ressenti le mal de la planète et la façon dont il est guéri en se trouvant une façon de se rapprocher d'elle dans son cœur. La première fois, il avait réussi à envoyer un message d'amour à sa planète un soir de Noël grâce à une configuration spatiale exceptionnelle. Une autre fois, Geneviève préparait un repas qui ressemblait tellement à la nourriture de la planète XY1000Z, elle s'appelle. La dernière fois, il avait accroché des lunes partout et accompli des mouvements de la danse traditionnelle des 42 lunes. Tout ça lui avait fait du bien à lui, mais son ami est tellement différent. Comment lui faire passer son mal? Bibi en parle à Julien, qui a une idée. Je vous invite chez moi. Venez jouer de la musique. Julien sait que la musique peut guérir parfois, surtout les maladies de l'âme, comme celle de Oui Oui. Il prête divers petits instruments de musique aux 2000 Zédiens, et comme il est un excellent musicien, il explore avec eux les airs tristes et gays, amusants, nostalgiques, entraînants. Et il leur permet même de jouer de son précieux synthétiseur. D'abord timide, Oui Oui devient de plus en plus intéressé, jusqu'à ce qu'il touche une note du synthétiseur dont le son rappelle étrangement celui de la communication mentale 4x4. Oui Oui est transporté de joie. Je viens d'avoir une communication avec notre planète! C'est extraordinaire! Mes compagnons misérieux, passez à moi! Ça me donne l'énergie et le courage de continuer mon stage. Voilà, je pense que c'était toi, ça. Ça me donne l'énergie et le courage de continuer mon stage. Merci, vulnérable Julien. Merci, incomprenable ami bébé. Tu as guéri, Oui Oui. Je vous serai éternellement reconnaissant à tous les deux. Et pour Oui Oui. Julien est ému, Bibi aussi. Ils savent que Oui Oui n'a pas vraiment eu de communication avec la planète XY1000Z qui est beaucoup trop loin. Mais grâce à notre à la note du synthétiseur, il s'est senti en relation avec elle et c'est ça qui l'a guéri. Bibi se sent tout bizarre en dedans. Et faible, Julien le remarque tout de suite. Qu'est-ce que tu vois, mon 4x4X? C'est à mon tour de ne pas me sentir bien, Julien. Est-ce que tu penses que je peux peut-être attraper la maladie de Oui Oui? Honorable Bibi, mon effaillé mémoire appelée me rappelle que tu devrais faire une vérification périodique aujourd'hui. Ma vérification? C'est vrai! Ah! Je n'ai plus de force! Je vais perdre mes pouvoirs! Julien, veux-tu m'apporter jusqu'à mon vaisseau? Vite! Waouh, c'est cavoté! Fin! Hey! Hey, j'ai une question, pourquoi qu'on n'a pas lu la... Ok. Je voudrais faire remarquer quelque chose, c'est qu'à un moment donné, dans le texte, on lit, et je cite, il s'est endormi au son de sa voix de son ami. La musique de sa voix. Ok. Puis j'aimerais beaucoup ça aussi, entendre pleurer un Milzédien. C'est vrai, ça peut être... Ça doit ressembler à un cri d'urette avec un... J'aimerais remercier, attention, messieurs Frank Mills, Grieg, Handel, Chopin... Et il y en a un autre aussi, c'est bien sûr Bach qui ont fourni la musique. Oui, c'était beau, la musique en arrière. Accompagner les aventures de l'ami à Bibi. Dans le fond, l'ami à Bibi, Oui Oui, il était pas malade, il s'ennuyait. Eh oui, ouais, il était homesick. Fait qu'eux autres, ils donnent des permis de conduire à du monde qui ne savent pas encore s'ennuyer. Ouais. Merci, belle aventure. Donc, merci beaucoup à tous les lecteurs. Moi, j'aimerais juste faire remarquer qu'à un moment donné, mon téléphone a sonné. Pendant que c'était en train de se passer, puis Bibi n'a pas crié. Moi, je suis un peu déçu. Je ne l'ai même pas entendu, toi. Il était trop pris par le moment. Ben oui, moi, je suis dedans, là. Fait que, Israël, avant que tu te sauves, tu nous parles du Hooters. Ben, je me sauverai pas, ce fois-là. Ah, ben, Colin, il nous avertit, là. Ouais, c'est ça. Ben, je vais y aller. Alors, la semaine passée, comme vous avez entendu, si vous êtes un habitué de l'émission, je suis parti au Hooters pour célébrer l'anniversaire du très gentil Christian Martin avec une gang de chums puis de la bière. En arrivant au Hooters, j'ai vu cette dame qui me dit « Est-ce que c'est pour deux? » Puis, en fin de compte, on allait rejoindre un groupe. Alors, les Hooters, c'est... Le premier Hooters fut créé le 4 octobre 1980 à Clearwater, en Floride, par 6 personnes. Putain, il manque quelques lettres. J'aimerais acheter une voyette. Clearwater, en Floride. 6 personnes, dit les Hooters 6. En arrière du menu, quand j'étais là-bas, on pouvait dire... le Hooters a été inventé par 6 hommes d'affaires. puis entre parenthèses, c'était écrit d'affaires. Oui, dans le sens. Dans le sens. J'ai été très déçu, laissez-moi vous dire, les amis. C'était dégueulasse, ça coûtait vraiment trop cher. Les filles étaient pas si belles que ça. Un moment donné, YMCA est parti, laissez-moi vous dire, ils sont mis à danser avec un sourire fauné. Tout ce qu'il y avait de le fun aux crises de hauteur, c'était la crise de game de hockey que j'ai eu bien du fun à regarder parce qu'on a gagné. Puis en plus de ça, il y a d'autres choses qui se sont passées aussi très intéressantes. Oui, c'était la fête à Christian Martin. Ils ont amené un gâteau, hein, puis ils étaient nounounes, les filles. Puis là, ils ont chanté une chanson en anglais, mais c'était une fille toute seule qui chantait, puis c'était vraiment bizarre, puis ça créait un malaise. Puis là, Christian Martin s'est mis à tousser à cause de la lumière du feu de Bengale qui lui explosait dans les narines. Et il y a une des filles qui a dit « Hey, t'es-tu allergique au gâteau? » C'était Bibi. Puis... Bibi s'est recyclé aux Hooters. C'est très, c'était très vraiment plate. T'es-tu en train de me dire que t'as découvert qu'aux Hooters, c'était beaucoup plus de l'image que du contenu? Oui, j'ai découvert ça, mais j'ai très d'autres choses à vous dire vite fait. Alors, chez Hooters, il y a... En 1996, les Hooters sortent le calendrier Hooters qui les rend pas très célèbres. Oui, c'est vrai. En 1989, le magazine Hooters inspiré de Sport Illustrated sort aussi. Pendant qu'ici, on avait Hibou. Fait que... donc, les employées féminines, pas les gars, là, les filles, se doivent de signer un contrat quand ils se font embaucher sur Hooters. Et le contrat stipule, en premier lieu, pour mon travail, je dois porter l'uniforme Hooters. Deuxièmement, pour mon travail, je dois inciter les clients à consommer. Troisièmement, le concept de Hooters est basé sur l'emploi de filles ayant du sex appeal. Et quatrièmement, je ne trouverai pas mon travail intimidant ou l'uniforme inconfortable et l'environnement du restaurant hostile. Quand j'y étais, il y avait vraiment des filles qui s'assisaient avec les clients puis qui les flattaient dans le dos puis qui les jasaient. C'était bizarre, là. Moi, j'ai moyen aimé ça. Fait que eux autres, ils n'ont pas le droit contractuellement là, de trouver leur uniforme inconfortable. Non, ils n'ont pas le droit. Mais au-delà de ça, c'est vraiment. Ils ont juste le droit de se sentir à l'aise. C'est vraiment le nid pour quelqu'un qui veut vraiment harceler, c'est, mettons, ses employés. C'est un excellent point que tu abordes. À Vienne, en Virginie-Occidentale, le restaurant, a été fermé sous la pression de féministes et de l'Église. Les uns revendiquaient la dégradation de l'image de la femme et l'autre, les vêtements trop sexy. Et tout dernièrement, c'est une bonne nouvelle, le WHOCEF, le Hooters Comedy Endowment Fund, verse des fonds chaque année pour le cancer du sein. Comme ça, ils ont le droit de... protège la marchandise. Comme ça, ouais, on protège la marchandise, on se donne une assurance. Et voilà, c'était mon expérience, c'était pas le fun. Bon, ben merci beaucoup, on va... Puis la nourriture était comment? Ah, ben c'était vraiment dégueu, il y a personne qui était satisfait. Bon, ah, ben... tout le monde était donc, difficile. Très bonne pub. La bière, c'était de la Bud Light. Oh, ben... Daniel Doe, la fille d'Ipanema, on va revenir juste après pour la chronique à... C'est quoi son nom? C'est Forêt ou DJ George? Tu y vas comme tu veux, mon homme. Ah, right, dit-il. Bien adapté. Il t'a appelé mon homme en plus. Je pense qu'il t'aime. C'est Daniel Doe, hein? Passe midi. Grande et mince et belle et douce, la fille d'Ipanema se pousse sur le rivage et toute la plage fait ah. Elle marche comme une portée sur l'aile d'une vague jusqu'au rivage et toute la plage fait ah. Sa course, il ne voit qu'elle, mais ça ne voit que la mer. Elle ne voit que la mer. Elle ne voit que la mer. Grande et mince, belle et douce, la fille d'Ipanema sur le rivage et toute la plage fait ah. pa, pa, pa, pa, pa, pa, où vas-tu nous faire gagner un niveau aujourd'hui, Bruno? Bonsoir. Alors, on y va en nouvelle tout de suite. Autrefois connue sous le nom de Jennifer Thornburg, une jeune femme de 19 ans a décidé de changer son nom pour cutoutdissection.com. Suite à une dissection d'animal gone wrong dans un cours de biologie. Cutout, maintenant vegan, affirme qu'après avoir fini son travail, l'image d'os et de peau sont restées gravées dans sa tête. Je me souviens ce que j'ai vu lors de la dissection et je me suis dit que c'était mal, a-t-elle affirmé. Son père, qui était choqué à l'annonce du changement, aurait récemment dit qu'il était très fier de sa fille pour se battre pour ses idées. Son père qui s'appelle, que je l'oublie le plus vite possible après. Someone Thornburg. Ah, George. Hey, c'est de la grande nouvelle. Ouais. Oui. Donc là, si vous allez sur cutoutdissection.com, vous allez vous retrouver sur le site de PETA. J'espère que c'est pas PETA qui est le groupe de protection contre les animaux non gouvernemental américain, revendicateur terroriste biologique. C'est ouais. Ça, là. Ouais. Ça, c'est deux beaux mots en arrière de l'autre. Terroriste biologique. Les autres sont certifiés bio. Ils ont ceux qui font souffrir des animaux ou qui fassent pitié quand ils les filment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est eux autres. Il l'a dit! Wow! C'est twist, ça. Ouais, là, on va tellement lui montrer qu'on a raison qu'on va faire ce qu'il faut pas faire. C'est ça. OK. Ah, c'est une façon de faire. Étienne Forêt? Oui. S'il te plaît. Alors, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ma chronique, c'est les vedettes qui sont connues pour autre chose que la chanson, qui ont soudainement eu la brillante idée de faire un album, sans doute pour pouvoir me faire du matériel de plus à Radio Cochonnerie. Ah, je vois. Il y a des gens qui se fendent en quatre pour ça, même des gens qui faisaient ça avant que j'arrive. Alors, je commence avec une mini-section sportif. On a évidemment le très sympathique Guy Lafleur qui, bien avant de prôner la greffe de cheveux et l'impuissance, nous a fait un magnifique album disco. Dans les très bon, 70. Hein, lui. C'est très bon. Regardez, je vais le partir pendant que j'explique. Donc lui, le principe de son album, c'est de la musique disco, puis lui, il donne des instructions de comment jouer un au hockey. Un bon lancer dépend de quatre éléments. Voilà. La force d'abord... Ah oui, c'est platé. En anglais, c'est encore meilleur. Oui, il l'a fait en anglais aussi, c'est vrai. Tu l'as-tu en double? D'abord, tu devrais choisir un bâton dont le manche est flexible. Et quel que soit de temps en temps, il y a des filles, qui vont répondre ce qu'ils viennent dire. Flexible, un bâton flexible. Au cours de dernière année, tu peux le faire, tu sais, après tu peux le faire. Il va passer une rondelle après l'autre, à haute vitesse. Je vais avancer un peu pour pogner un refrain. Et voilà. T'étais pas loin. Donc, c'est un album complet comme ça. La piste qu'on écoute en ce moment, c'est Lancer, qui nous explique comment lancer. Il y a aussi Conquérir, qui nous explique comment. C'est ça. Boire de l'eau pour en renverser le trois quarts un peu partout. Puis il vient tout juste de nous parler du Snapshot. Oui, le Snapshot. Il y en a une qui est vraiment ma préférée. Ben, une de mes trois préférées sur l'album, elle s'appelle Mise en échec. Ah oui, ça. C'est bien aussi, ça. Sinon, évidemment, quand on parle de sportif qui fait un disque et qui aurait dû s'abstenir, on pense immédiatement à notre ami Jacques. Donc ça, on l'a entendu pas mal. Officiellement, la toune de Jacques Villeneuve, évidemment, musicalement, est pas si mauvaise que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de budget qui est en arrière de ça, si on compare, par exemple, avec Normand Lamour. Mais c'est lui, là. Regardez. Il y a vraiment pas beaucoup de voix. Puis ça apporte absolument rien au milieu de la chanson. Et on dirait un peu Stéphane Echer. Oui, effectivement, c'est un peu le même genre. 15 ans trop tard. Même mieux. Jacques Forever. Mais ici, j'en ai une autre toune de cet album-là. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Étranger. Face à ses problèmes toutes nues. Ses idées sont gelées dans un lourd passé. C'est très poétique. Le trottoir gris. T'as un problème tout écrit ses textes. Non, c'est pas lui. Ben là, il reste quoi? Là? Il reste rien que de chanter avec pas de voix. Il peut se mettre pas engraissé parce que sinon. C'est la fin de sa carrière de chanteur. Ben, je pense que c'est la fin de toute façon. Cet album-là s'est vendu, vendu à quelque chose comme une couple de dizaines c'est d'exemplaires. C'est 200 dans travers le monde. C'est ouais. Ça, c'était ridicule, totalement ridicule. Aïe, même les parfaits salauds en vendent plus. Même les bébés à leur retour en ont plus. Ben, même les Baby Spice. Le 10 platine de Julie Mars, hein, on se le rappelle. Ouais. C'est vrai, rappelons-le. Arrête de nous titiller avec ça, toi. Alors voilà, je l'arrête parce que j'en ai marre. Sinon, dans une autre... dernière, on va passer aux Hellriders. Oui, rapidement, est-ce que vous connaissez Clara Morgan? Oui, c'est l'actrice de porno. Et oui, que j'ai ici dans un extrait de Projet X. Donc, on se rappelle d'elle ici, là-dedans. Ah, mais après, après elle est devenue gentille. Donc, c'est elle ici. Je suis pas sûr de la reconnaître. Non, attends, je peux l'en mettre un peu plus longtemps. Regarde, c'est celle-là là, qui dit oui. Ouais, c'est elle. L'autre qui fait juste grogner, c'est une autre fille, c'est Estelle Desanges, mais ça ne donnait pas la question. Donc, Clara Morgan, éventuellement, s'est dit, bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que je peux faire avec ça. Alors, à la place, je vais m'en aller faire ça. Elle a sorti un album. C'est différent. Oui, c'est très différent. L'album éponyme. En fait, non, pas éponyme. Il s'appelle Déclaration. Je pense que je la pogne. Hein. La pogne dessus. Et puis, elle a repris ce magnifique hit d'Erita Mitsuko. Pour le détruire. Oui. Pour le détruire à coups de techno. Ça, en plus d'être ce style-là, c'est aussi de la méta-cochonnerie, dans le fond. Oui, en plus, ça en est. On a bien retenu la leçon. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors voilà, tout le monde la connaît, cette chanson. Fait qu'à place de dire oui, elle dit oui. C'est ça, mais elle demande à quelqu'un de lui dire oui, à la place. Alors voilà, je me tais pour l'instant. Il y a comme une espèce de lien évident entre les deux domaines. Ben oui. Clara Morgan, une femme de parole. Et oui. Tout à fait. Elle n'a pas la langue dans la poche. C'est maintenant avec plus de linge. Elle a la langue sur la poche. C'est ça. Bon, ben moi, je vais transférer ici. On s'en va doucement vers une expérience tantrique, vraiment des plus conséquentes. Dégagez ça bien comme faut. Encore une fois, si la semaine passée, donc, j'ai eu l'honneur de vous présenter les deux plus solides mamelles de l'histoire du douteux. Oui. Tenir la vedette dans un film dans lequel des cyborgs s'aiment et dans lequel on apprend que 500 SPI, c'est vert. Ah bon? Cette semaine... Je suis tout aussi heureux de vous présenter Hellriders. Hellriders, c'est le moment dans ma vie où ma perspective de l'existence s'est le plus agrandie brusquement d'un seul coup. Sinon, c'est en compétition directe avec l'agrandissement de perspective que j'ai eu quand que j'ai appris à me tenir debout. Tu sais, t'étais comme à hauteur du plancher, puis là, tout d'un coup, tu sais, tout change d'un coup, là, à hauteur c'est vrai, là. C'est un monde de possibilités qui s'est offert à toi. Ah ben oui, c'est ça, tu réalises, il y a une bulle qui se crève. Du potentiel, là. Avant Hellriders, j'étais certain qu'on avait besoin d'un minimum de qualité, d'un minimum de motivation de la part des gens qui participent, d'un minimum d'innovation, d'un minimum de créativité, d'un minimum de scénario, d'un minimum de planification... d'un minimum de décence et d'un minimum de fierté pour se permettre d'offrir un long métrage aux gens. C'était avant Hellriders. Que l'on octroie à Roger le bénéfice du doute lié à ce degré d'amateuriat dont lui seul est supposément capable, c'est une chose que je peux assumer. Hellriders, 7 ans après Star Wars de James Bryan, ne bénéficie pas de ce passe-droit. Ça a été traduit, distribué, sûrement même publicisé. En tout cas, ça a été assez fait, ces trois verbes-là, pour que je me ramasse à le croiser plusieurs fois dans ma très paisible Abitibi natale, qui est très proche de l'épicentre kentuckyesque d'où ce film provient. On va aller essayer de comprendre un petit peu dans quoi on s'enligne. Les Hellriders, c'est une bande de motards. Je développerai pas trop. Je vais les laisser eux autres mêmes. J'avais préparé une petite toune ici là, pour mettre en background parce qu'il y a la toune du générique, tu sais. Donc c'est un mélange, c'est comme le beat avec le creepy. On connaît Clara Morgan aussi, j'y pensais justement. Et voilà, on commence les extraits, on va apprendre à connaître les Hellriders. J'essaie de vous aider. Foutez-moi la paix, madame. Tu vois ce que je te dis, Rocky? Les femmes, c'est rien que des problèmes. Des problèmes? Tu vas en avoir des problèmes, Victor. Ta gueule, chienne. Ah, il a dit, hein? Ça. Ah! Ah! Ah, c'est ça qu'elle méritait. La vieille droguée va comprendre exactement ce que Snake veut dire. Snake? Ah, Snake. Ah, la salope, la chienne. Hé, hey, Connie, elle a de la classe, la vieille. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ah, en fait, là, ils chamaillent. Vous voulez pas vous taper dessus pour une femme, non? Ah, elle va le passer, hein, les mecs, allons! Les mecs, Donc, on comprend que personne n'a rien compris. Oui, c'est vrai. On comprend que c'est une bande de motards qui sont plus cons les uns que les autres et qui vivent dans le bois. Là, vous le voyez pas, mais tu sais, c'était dans le bois, c'était à côté d'un champ. Là, vous allez voir, il va dire quelque chose, c'est le curé. Satan! Et voilà, donc on comprend leur affiliation maintenant. Hein? Donc, Satan. Les Hell Riders croient en Satan. Satan vers le ridicule. Ben oui, puis là, ben, ils continuent à courir après la fille dans le bois. Là, ils sont seulement neuf. Là, il commence un viol à relais, mais vous inquiétez pas, c'est très décent. Ah, le beat est infect. Hein. J'avais remarqué. On dirait un beat des Béruriers noirs. Tu me prends pour un con? Non, non, Bigot, t'es pas un con. Toujours sur les routes. On est les Hell Riders. Satan! On est censé filer, rouler souvent à nos côtés. On passe pour des cons. Oui. Gang ennemi. Et j'aime pas du tout, mais alors pas du tout passer pour un con. Il est original. Avec toi et les Hell Riders, vous venez sur le terrain de camping pour qu'on puisse régler tout ça, d'accord? Hé, hey, trou du cul! Les Hell Riders vont où moi je leur dis d'aller. C'est pour ça qu'ils t'allaient mal. J'en ai plein le cul de toi et tes Hell Riders. Tu fous la paix aux particuliers, tu comprends? Quoi? Dan, tu veilles à ce que cette dame s'en aille d'ici sans autres emmerdes. Snack, je vais te rejoindre au terrain de camping. Snack. Il appelle Snake hey. Snack. Ouais, ils se sont tombés dans ta position. Penses-tu? Ouais. Je pense pas que c'est possible. Je pense possible. Que oui. Je pense qu'ils ont mal lu. Il aurait fallu qu'ils l'appellent Serpent. Genre. On va faire Snake. Ici une toute petite toune de transition pour aller vers une nouvelle. Le bourdon dit à la clochette. D'un toit dans mes chantes sonnettes. Ding dong, ding dong. La clochette elle répond ding dong, ding dong, ding dong. Ah, ça fait mal à chaque fois. Fin, oui, merci. Fin. Bruno? Alors, pour aller dans la même veine, les prédateurs sexuels du Maryland ont reçu une lettre cette semaine en prévision pour Halloween. Une citrouille de carton. Ils devront placer cette citrouille indiquant aucun bonbon à cette résidence sur leur porte. Oui. De plus, ils devront fermer leurs lumières extérieures et ne pas répondre à leur porte pour toute la soirée. Parce que... Alors, puisqu'Halloween est une fête durant laquelle une grande quantité d'enfants interagissent avec des étrangers, l'inquiétude des parents et des autres membres de la communauté concernant les prédateurs sexuels est naturellement intensifiée, a affirmé Patrick McGee, directeur intérim de la division Parole et Probation, dans sa lettre. Hey, s'il te plaît. Ça, c'est de la solution. Voilà. Taboire, hein? Fait qu'on va mettre ça, on va mettre un mur autour. Ouais. Comme ça, on va... Hey, hein. Puis en plus, ça, l'espèce de phobie, là, moi, j'ai déjà fait mes recherches là-dessus, là, de toute l'histoire de passer l'Halloween en Amérique du Nord. C'est arrivé trois fois qu'il y a eu des enfants qui ont déclaré qu'il y avait eu une aiguille dans une pomme ou des blessures reliées à ça, à quelqu'un qui avait piégé ça. Et c'était les trois fois le père ou la mère parent, de la, un, autre, un parent ouais. qui avait fait ça à ses enfants. Hey, c'est malade, ça. Tu sais, fait que là, c'est de comme faire peur au monde pour vendre des affaires. Hey, quand ils disent vérifie tes bonbons. J'ai là, inventé un petit bon concept. Ben non, je me rappelle, moi, maman passait les bonbons au ping-fait après l'Halloween. Ben oui, ben c'est ça, ça avait marché. Fait qu'elle aurait pu en mettre un réempoisonné dedans. Ouais, t'as pas eu. Ah, ouais, tu l'as acheté. Hey, toi, t'en as-tu une autre? Ouais, je peux vous en faire un autre. Il y a Brian Hubbard, 72 ans, résident de Herefordshire. En Angleterre, qui a des problèmes avec le conseil municipal parce que son jardin est trop bien entretenu. Hubbard s'est fait retirer le droit de couper le gazon devant sa résidence. Depuis 8 ans, il coupe le gazon et taille les bordures devant sa maison, mais il ne peut plus le faire parce que, affirme le conseil municipal, il dépasse sur le gazon appartenant au conseil. Le matériel de jardinage ainsi que toute végétation n'étant pas en accord avec l'entourage devront être retirés. S'il ne se plie pas aux demandes, le conseil enverra des contracteurs à ses frais. Hubbard considère ses demandes comme absurdes. Le conseil m'a envoyé cette lettre après avoir remarqué que mon jardin était mieux entretenu que celui vie de mes voisins. Hein, hey, ouais. Je sais pas c'est quoi. C'est tout t'es jaloux. Aïe, aïe, c'est du monde qui s'occupe des vraies affaires, ce conseil-là. Ah ouais. Aïe, ouais. Aïe. Ah, dans fait ce temps, il y avait sûrement plus de criminalité dans leur rue. Non, man. Malheureux était bête. Non, ils ont tout réglé ça, la criminalité. À cette heure, ils s'attaquent au monde qui s'occupe trop de leur jardin. C'est ça. Il faut qu'ils mettent un petit carton dans sa fenêtre. Ça faut bien payer les contribuables pour faire de quoi. Une étape à la fois, hein, mon gars. On va y arriver lentement. Je suis vraiment dans les Hellriders. Là, j'ai juste jeté du coin de l'œil parce que là-dedans, il y a Adam West. Eh oui. Puis Adam West est important. Adam West. C'est qui Adam West? C'est Batman. Le Batman des années 60. Ouais. Bah oui. Puis il y a Ginger. Ben là, aussi, t'es bien conne. Ah ben oui, ben tu le savais aussi. Pourquoi que je suis là? C'est ça, c'est une fille. Simon Boisvert sort de ce corps. C'est bien, vous autres? Étienne Forêt. Oui. Fais-nous encore un petit bloc de trois, là. OK, ben je vais essayer de choisir mes meilleurs, là. Dans la catégorie gens qui n'auraient pas dû en disquer et qui débordent dans la catégorie gens qui n'auraient jamais rien dû faire dans le monde public, on a la sémillante Anne-Marie Lozic. Donc, elle a évidemment déjà fait des albums. Sous le pseudonyme AML, donc c'est un pseudonyme fort complexe. L'horoscope du cœur. Eh oui, l'horoscope du cœur que j'ai ici. Dis-moi ton signe. Wow. Elle était supposée venir, là, la 70%. C'est bien la seule place qui n'est pas venue. Ta vie. Oh! No, he did! Thank you. Là, elle finit pas, là, elle fait juste commencer la tourne. Oui, oui. Ça, ah, la start, là, ben, elle laisse aller. Ça commence. Elle a également fait la chanson Libre, qui est la pièce titre de son album Libre, sur laquelle on la voit en jeans coupés super court, détachés. Et comme libre. En chandail bédaine, puis elle est complètement huilée avec des écouteurs sur la tête. Hein. Librement huilée. Oui, tout à fait. Si t'es plus libre, si t'es huilé, puisqu'on peut moins te contraindre. Hein. Donc, Anne-Marie Lozic, voilà, magnifique album, incroyable. Ouais, on l'a mis au défi, on lui a dit ça, t'es meilleur. C'est ça que ça donne. J'en ai un autre que j'adore, et puis ça, je reviens souvent là-dessus, Chantal Renaud. Moi, j'aimais ça quand c'était elle, la première dame du Québec. Mais Chantal Renaud, avant d'être chanteuse, elle a déjà été animatrice et journaliste. Puis à un moment donné, elle s'est dit, tiens, je vais faire des chansons. Et ça a donné, ça, je pense que c'est ma préférée de elle, Plattsburgh Drive-In Blues, un ode au cinéparc de Plattsburgh. Spécifique. Un ode au cinéparc de... Ouais. Regardez bien ça, les paroles du début, là. C'est poétique. Elle parlait en français? Elle parlait en français? En français, oui. Mais comme en joual, québécois. Québécois joual. Mais elle, c'est. Tu l'as connu? Elle m'a dit de moi, t'es un Michigan. Le Michigan Red j'ai Hot. J'ai vraiment envie de manger les Michigan depuis qu'elle dit ça. T'es influencé. Avec un gros sac de peanuts puis un cornet de crème en glace. Je passerai du reste. Dépêche-toi, la vue commence! Dépêchez-vous. Elle devait être enceinte. Ouais, peut-être. Moi, je l'ai, là, sur l'affaire que tu m'as donnée, ça. Oui, ouais, oui, ça fait partie de la... Je vais faire sûr de... En tout cas. C'est de la bonne chanson. Ouais, c'est pas pire. Et puis, un autre titre en terminant ce bloc. OK, j'hésite entre deux, mais je vais y aller avec quelque chose pour changer un peu d'ambiance, là, et de pays et de continent. On a une chanson faite par une princesse, Stéphanie de Monaco, qui un jour, en 86, ouh, s'est dit, tiens, je vais faire un album, et ça a donné ceci. C'est bon, hein? Ouais, ça me parle. Ouais, je savais que t'aimerais ça, ça vient. Tu es tout nerveux. Alors voilà, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, super profond. Mais moi, j'aime bien ça. Hey, tu pourras me l'envoyer. Ben, on dirait comme Guylaine Parmeur, ouais. Ouais, effectivement. Ben, je devrais l'avoir, en fait, Stéphanie de Monaco. Steph de Monac. Ouais. Steph de Monac! Oh, ça kiffe Adolf! Est-ce qu'on vient de faire le 3? T'as-tu du Shaquille O'Neal? Parce qu'il avait sorti un album de rap à un moment donné. Ah, ouais, il avait sorti aussi un jeu du Super Nintendo avec Genesis. Ça, j'ai senti toute ma race faire un grand pas vers l'avant quand il a sorti ça. Ah non, je l'ai pas, malheureusement. Un petit enregistrement pour chaque fou, un pas de géant pour l'humanité. Ouais. Chaque fou, c'était super. C'était malade, man. C'est parce que. Qu'est-ce qui rendrait le kung-fu encore plus hot? Shaquille O'Neal. Voilà. C'est une vision. Clairement. Mais voyons, c'est cool, c'est un jeu de fighting où est-ce que tu peux juste prendre un personnage. Ouais. Puis que les moves sont très, très bien rendus. Ouais. Comparé avec à Street Fighter. Avec Steph de Nack en arrière. Mais t'as pas pris son tube. Son tube, c'était pas ça. C'était une boule de flipper. Ah, c'est pas elle. Qui roule, qui roule. Ah, je m'excuse de te reprendre, mais une boule de flipper, c'était Corinne Charby. Mais nous, NXT. Ben, c'est elle. Don't mess with DJ Josh when he's on his turf. Ah non, elle avait fait comme un ouragan, en fait. Exactement. C'était comme un ouragan. Comme un ouragan, c'était Stéphanie de Monaco. Boule de flipper, c'est ici Corinne Charby. D'ailleurs, que, elle aussi, c'est une journaliste qui est devenue, ou une animatrice qui est devenue chanteuse. Oui. Ça veut dire qu'elle est dans le même domaine. C'est dans le même domaine, oui. J'avais failli la mettre, finalement. Je me suis dit, bah, une Française, c'est suffisant, mais je savais pas qu'il y en aurait une dans ce studio. Mais elle est pas française, elle vient de Monaco. Ouais, c'est vrai. C'est l'accent, c'est l'accent français. Tout est tout pareil. Ouais, c'est vrai, elles sont toutes pareilles. Le refrain qui est bon. Toutes des sortes de blancs différents. Voilà. Hey, tu sais, là, avec les côtes, là. Une boule de flipper, ça, c'est-tu comme. C'est une boule de flipper, tu le mets comme en boule. À part si tu le sens. Non, c'est pas le dauphin. C'est le résultat de la castration de flipper. En fait. Ah, ok. Oh, des couilles de dauphin partout. Mais sinon, voilà, Stéphanie, elle faisait ça aussi. Ah non, enfin, une boule de flipper, c'est une boule de... De pinball. Oui. De pinball. Oui. Ah, une boule de pinball. Ah, allez trouver. Voilà. Donnez-y du sucre. Merci. C'est beau, vrai. Aïe, moi, je vais passer à... Ah non. Pas deux fois. Toutes les tunes partent en même temps. Ici sur la trame sonore, on va retourner ce saucer dans les Hellriders. On va essayer de commencer à avoir une idée de quoi on est en train de parler. J'ai regardé, puis il y a une émission de radio qui date de 2007-07-23. Puis on avait parlé des Hellriders ainsi que de Die Hard 4. Ça fait déjà un an que j'ai vu Die Hard 4. J'ai vu John McClane vaincre un F-14 au vol horizontal avec le pouvoir de la flotte et du John, du Bruce Willis. Là. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Ben là, il est d'arracher ton camion. Donc, Tina Louise, c'était Ginger de Gilligan's Island. C'est celle qui avait des robes tout le temps puis que tous les humoristes ils ont fait des blagues avec le fait qu'elle avait des robes tout le temps. Ouais. Elle pouvait s'en faire des robes. Ben oui. Le parler du tissu, là, qu'on fait. Ah ouais, ben, parti pour une heure à peine avec 15 valises. C'est ça. C'était quand même supposé être 3 heures. Prenez ça comme fond, rajoutez Adam West, le Batman de la série éponyme, là, avec le saut trop serré. Ouais. Et puis, ben, ces deux superstars forment la pierre angulaire de la structure compliquée formant la mosaïque des multiples personnages mis en interaction ce soir. Wow. En résumé, un village de quelques 45 âmes reçoit la visite d'une prostituée de la ville. Ils vont le dire très souvent que c'est une prostituée de la ville prostituée. La venue de la dame coïncide fortuitement pour l'action avec la révolte des Hellriders. Les Hellriders, qui ne sont pas seulement des décrocheurs, c'est aussi le club de machines du bourg, composé de Marc, le moustachu, Snack, le leader, l'élément comique au casque greffé, j'ai appelé tantôt, il s'appelle Rocky, le curé, l'ange est perpétuellement bédaine pour rien. Et puis il y a bien sûr un petit trapu, pas de nom. Devant cette poussée de violence incarnée par des meurtres à coups de houde de char et assassinats gratuits de figurants inoffensifs, Batman, ou plutôt le Docteur, seule personne de toute cette communauté capable de parler et réfléchir avant d'agir, passe à l'action. Tous les habitants du village prennent les armes et décident de se faire eux-mêmes justice. Les personnages sont épeurément nombreux. Et puis, le temps de parole assez bien réparti. J'ai cependant opté, dans les extraits que je vous présente ici, les quelques extraits, de cibler surtout le shérif et Snake. Tantôt, on a compris que Snake était le boss des Hellriders. Ici, on va aller comprendre que le shérif, il mène sa ville d'une main de fer. Il n'est pas question que ça brasse pas. Ben, ou que ça brasse dans le mauvais sens. Play. Bonjour, docteur. Bonjour, shérif. Vous avez le résultat des analyses de sang? Oui, les analyses de sang sont satisfaisantes. Je ne croyez pas que Joe est un peu vieux pour votre Suzanne? Je ne me fais pas de soucis à ce propos. Suzy sera très heureuse avec lui. C'est exactement ce dont elle a besoin pour être constamment enceinte. Peut-être qu'elle a besoin de quelque chose de plus. Ben non. Il y a une chose dont je suis certain. Suzy et Joe vont fabriquer deux ou trois bons citoyens qui assureront l'avenir de Ramsburg. C'est pas irrévé. Ce sera du travail pour vous aussi, n'est-ce pas, Toubib? À plus tard, shérif. Allez, à plus tard, shérif. Donc le shérif, après avoir Toubib, discuté avec le Toubib... En passant devant son garage, demandez à Joe de rejoindre chez Iris. Ben oui... Là, après ça, il s'en va déjeuner, hein, au petit casse-croûte de la place. On va aller voir c'est quoi qui se passe quand le shérif rentre dans son casse-croûte préféré. Pendant qu'on a les Hellriders qui se préparent à une cavalcade de péripéties totalement carambolesque, hein, ça marche. Oui. C'était presque un début de poésie, là, mais ça méritait pas ça. Bonjour, shérif. Bonjour, Iris. Bonjour, tout le monde. Salut. Salut, shérif. J'arrive. On ne marque pas que personne ne répond tout simplement bonjour. Salut, chérif. La même chose que d'habitude. Suzy est très excitée aussi, j'ai du mariage. Personnellement, je serai ravi quand toute cette affaire sera finie. Et maudit mariage. Où est Suzy? Elle est encore en retard. Oh non, jamais, Suzy. Elle et Harriet sont chez Betsy. Elle s'occupe des détails du mariage. De toute façon, je leur ai laissé du temps aujourd'hui. Comme d'habitude. Sire, Iris. Je l'avais dit. Je mise sur le fait qu'en continuant à prendre ton petit déjeuner, tu finiras par apprendre à le faire tout le temps. Je vois pas pourquoi je ne mettrais pas la robe que j'aime. Non, donc là, c'est les demoiselles qui sont en train de parler du mariage qui s'en vient. On comprend peut-être entre les branches que le shérif a forcé sa femme, sa fille, à se marier avec le très, très... très fade, Joey. C'est pas mal le mot qui lui va le mieux, en fait. Là, j'essaie de retrouver la 13e minute 50 pour le petit dernier extrait de ce bloc-là. On va encore, bien sûr, entendre parler le shérif et sa sagesse légendaire. Je te comprends pas. Non, t'es pas mal de vie. Si c'était mon mariage si proche, j'aurais les nerfs à fleur de peau. Ouais. Et voilà, dans le casse-croûte. Snack bar. Sors de la douche. Kevin, vous croyez que le docteur Stanley est déjoué à son cabinet? Vous avez une nouvelle maladie, Clarelle? C'était quoi la semaine dernière, la lèpre? Papa est inquiet pour son cœur. Ah oui, vous êtes hypochondriaque. Ce qui se passe vous vraiment rien dans ce truc. C'est fou, quand il y a des longueurs. On était mieux tantôt de vie, c'est ça. On en a manqué une très drôle. Bonjour les filles. Allez passer votre nuit et que votre exhibition commence. Ok. Non. Jamais. Iris, merci de nous avoir laissé arriver en retard aujourd'hui. Ouais, j'espère que vous n'allez vous marier qu'une fois. Cela dit, avec tous les divorces dont on entend parler, on peut dire qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Allez, grouille. Allez, va te changer. On va revenir tantôt savourer la fin de l'ambiance du gentil village pour rencontrer Joey. Faire le tour un petit peu du shérif, hein. Je pense que déjà on le trouve attachant. Ouais, oui. Ouais. Tout à fait attachant. Regarde le chose qu'il d'habitude. Quelque chose, ta chemise. Oh! Non, ben là, ce qu'on va faire, c'est surtout aller écouter les Kids of Whitney High avec leur tune qui s'appelle Insects. C'est spécial, ça, cette bande-là. C'est des gens très, très spéciaux. Très spéciaux. Des gens spéciaux. Très spéciaux. Ok, c'est bon. On écoute le Kids of Whitney High. C'est spéciaux. Spéciaux, c'est l'oxygène? Genre. Spéciaux, c'est l'oxygène. Spéciaux, c'est l'oxygène. Bonjour, bande de chanceux qui, contrairement à moi, nul de l'Internet, avait la chance de syntoniser Israël et Tommy sur Choc FM, la radio web de l'UQAM. Hey, hein? Tellement d'humilité, il a même pas dit son nom, toi. C'est fou. Nouvelle Bruno. Oui, alors il y a le boxeur ukrainien Vitali Klitschko qui avait une arme secrète. Toi, tu lis mes nouvelles à l'avance, puis après ça, tu dis mes punch. C'est quoi ce nouveau concept? Je l'ai dit au début. Lila, là. Il avait une arme secrète pour gagner son titre de champion poids lourd de la WBC, le pipi de son bébé. Klitschko affirme avoir enveloppé ses mains dans les couches souillées de son bébé pour faciliter la guérison. Le pipi de bébé est très bon parce qu'il est pur. Il est comment? Il est pur. Pur! Il ne contient pas de toxines et ne sent rien, a-t-il affirmé. Sa grand-mère lui aurait donné ce précieux conseil. Ouais. Donc un conseil ici qui nous vient de... Mais je te promets, je ne l'avais pas lu avant parce qu'on a parlé au début de l'émission. Il y a Travis Fessler de Florence, Kentucky, qui a battu le record de nombre de coquerelles rentrées dans une gueule. Soit de deux. 11 coquerelles en tout. Oh. Le tout afin de promouvoir la Mayhem Mansion, une maison hantée pour la charité. Le record précédent établi par Jungle John Lamedica était de 9 coquerelles. Il a battu deux. Est-ce qu'il a le droit de croquer? C'est un petit peu mieux que ceux qui avaient fait une tour de Lego la semaine passée. Là. Ouais. Ils ont passé de 29,18 mètres à 29,4 mètres. In your face. Mais eux autres, ils l'ont pas défaite. Fait comme ça, si les autres la refont puis ils montent 15 cm plus haut, on en remet 30. Ouais, ça c'est vrai. tandis que Travis, lui, ils ont recraché les. Ouais, faut que tout qu'ils recommencent à chaque fois. Là. Ouais, c'est vivant ça. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'ils ressortent puis ils sont tous vivants quand ils ressortent? C'est sur YouTube si vous voulez aller voir. Non, aller c'est pas nécessaire. Ouais. Étienne Forêt, fais ça vite, mon gars, parce qu'on est serré dans le temps. Oui, ben écoute, la personne qui n'aurait jamais dû faire un disque, c'est sans contredit Michel Brûlé, éditeur, propriétaire de maison d'édition, qui a décidé de faire un album. Puis l'extrait que j'ai choisi, c'est celui qui représente tout de suite le sentiment qu'on a quand on écoute son disque. Ça s'appelle... On va donc laisser Sarah sur ce fond sonore des plus particuliers faire son indicatif. Sarah, mademoiselle. Vous savez, c'est quoi une butterface? Non. She's got a nice body, butterface. A butterface isn't nice. Ben, vas-y, fais un indicatif. C'était ton indicatif. Ah non, ouais, tu dis, ça. Je suis Sarah, j'écoute 70%. Je suis Sarah, j'écoute 70%. Et les vieilles salopes sur YouTube? Ouais, aussi, et puis un peu tout le monde en même temps. Ouais, mais là, je te l'ai comme volé, fait que c'est moche. C'est ça. Vas-y, refais-en un autre. Hey, capitaine. Ah non, non, ça fait trop, après, c'est de la redondance. Ça fait comme plus naturel. Ouais, hein, la c'est redondance, ça. C'est comme... On trouvera le moyen d'en faire un autre. C'est merci, ça. Benoît, merci beaucoup, Julien. On t'a senti vraiment pas motivé, on avait besoin de ça. Ouais, Bruno, ouais. Un plaisir. Israël, comme d'habitude. Il est allé voir des boules, il est revenu. Déçu. Sarah, merci. Merci, Étienne. On s'en va à Étienne Mobile jusqu'au. Ben, je prends ça pour acquis tranquillement. Oui, oui, ça pas de problème. On s'en va à Étienne Mobile vers le brouhaha, écouter les Hell Riders. Avant de vous laisser. Spoiler alert pour tenter de vous aider, bien sûr. Il va y avoir dans le film qui s'en vient un viol à relais. Il va avoir ainsi un autre viol à René avec préliminaire. Ah, il va avoir le bruit de freinage des pierres à feu. Vous allez frissonner devant le montage qui va tuer Snack. Les jeux de pouvoir entre autant de personnages dans le même film, quoique également unidimensionnels et orientés tous dans la même direction, les jeux de pouvoir donc sonneront comme un concert de cloches de la même grosseur. Leur compétition de virilité est telle de non-subtiles blagues de pipi-caca vous feront revisiter votre cours d'école du primaire. Insidieusement, la trame sonore va venir vous taper ses nerfs, Benoît avait déjà remarqué. Mm-hmm. Immédiatement, la grand gueule à Snake va vous amener là, au sein de vous-même. Là, vous n'êtes jamais allé. Plus que jamais, la présence de Gilles et Maurice, nos deux techniciens de scène préférés, va se faire sentir. Et puis finalement, la pitié que vous allez ressentir face à la pauvreté de la pellicule sera rapidement diluée dans la vacuité sans nom de la prochaine heure et demie. My God. Et tout ce qui manque de qualité fut dûment... et tout ce manque de qualité fut dûment traduit par des gars qui avaient beaucoup plus de temps que de talent à perdre. Un bijou qui me fait penser que l'on devrait opter de former une nouvelle catégorie traduction dans nos jambons d'or. Parce que... En somme, ce film est un peu comme le méchant accroché à l'ascenseur à la fin de Total Recall. Tu sais, Michael Ironside, c'est les Hell Riders. L'ascenseur, c'est le temps qui passe. Et puis le plafond qui va lui arracher les bras avant de le lâcher dans le vide, c'est le degré de qualité du film. En sursomme, Hell Riders, c'est le film qui a causé le plus de coming out douteux dont j'ai été témoin. Si la rage vous prend, pas de blessure, pas de violence incontrôlée. On prend un projectile... On vise la face de Snack. En cas de panique, on est des spécialistes, on a des recours, on peut vous aider. Je dis pas qu'on a des réponses, je dis qu'on peut vous aider. C'était 70%, merci beaucoup, revenez-nous la semaine prochaine. On vous laisse avec le shérif, alias la superstar du quotient social. Salut, là. Salut, Clyde. Vous vouliez me voir, shérif? Quand vas-tu commencer à m'appeler Jim? On a joué ensemble, n'est-ce pas? Tout ce que vous voulez, coach. C'est vous qui dirigez le jeu. Dites-moi, où est Suzy? Hé, garçon, elle est dans la salle de bain. Elle a quelque chose de très important à te dire. Oh, il vaut mieux la rejoindre, et vite! Mais enfin, les filles se chantent dans la salle de bain. Suzy, tu es là? Une minute, Joey! Suzy! Oui! Une minute, Joël! Ah, c'est fait de moi le plus heureux des hommes. Oui, tu es ma petite perle. Tu es là, ma petite perle. Hein? Est-ce que tu sens mon amour pour toi qui grandit? Oh oui, Suzy. Joey, es-tu devenu... Aïe, aïe, c'est pas bon. Les veines me pètent dans le front. J'ai vraiment mal à mon ex-hôpital. Jump from your skin and into a sound.